je suis fou de toi. Salut John Marie. Est-ce que tu as les accords? C'est Karma Girl. Bon, avec Yves, on va faire Karma Girl pour Adrien. Est-ce que t'es prêt, Adrien? C'est pour toi. 1, 2, 3, 4. Je sais de toi, tout de toi, mon ami. Viens, je sais tout de toi, je sais tout de ta vie. Dieu m'a dit, mon ami, viens, je sais tout de toi. Marcher jusqu'à la mort, et avec toi, mon ami, oui, je sais tout de toi. Toujours mon cœur sait où tu vas, mon ami. Mon cœur bat pour toi. Oui, je sais tout de toi. Sur la terre, chaque nuit, avec toi, je sais tout de ta vie. Je sais tout de toi, Adrien. Mets ta main dans la mienne. Quand nous serons libres, un jour tu leur diras, oui, je sais tout de toi. Oui, je sais tout de toi. Oh, oh, oh, allez! Voilà, c'était dédicacé à Adrien, mon neveu, que j'aime très fort. Parce qu'on a vu le concert ensemble.